En Corée du Sud, selon Yonhapnews, les bureaux d'enseignement de toutes les villes et de toutes les provinces ont refusé le document officiel relatif à la publicité pour le SAD envoyé par le ministère de l'Éducation.